Chapitre 10e. Séduction. Le docteur Favel avait une maison de santé où il soignait un certain nombre de malades riches. Il avait généralement une dizaine de pensionnaires, hommes et femmes, appartenant au meilleur monde. Le prix de l'année était de 30 000 francs, chiffre considérable. Mais il s'agissait de malades archimillionnaires, gravement atteints. Le traitement était très coûteux, les appartements somptueux, la table servie avec raffinement. Du reste, on ne pouvait payer trop cher les soins de Favel. Tous les pensionnaires amenaient avec eux au moins deux domestiques. Or, quelques jours après le duel d'Armand, il se présenta chez Favel un Hongrois fort riche, très grand seigneur, qui était atteint d'une des maladies dont le docteur avait fait sa spécialité. « En un mois, dit Favel, vous serez guéri. Le cas n'est pas grave. »« Comment me soigner convenablement dans un hôtel ?» demanda le Hongrois. « Si vous avez une place chez vous, je prendrai volontiers pension. Je n'ai amené qu'un domestique, » ajouta-t-il. « Pensez-vous que ce serait suffisant ?»« Certainement. Quand puis-je m'installer ?»« Demain. » « Voici, docteur, un mois de pension d'avance. Je suis heureux d'être entre vos mains. » Et le lendemain, le Hongrois s'installait. Il s'était recommandé du reste de l'ambassade autrichienne et il avait une lettre très chaleureuse d'un ancien client du docteur. Dans ces conditions, pourquoi s'en défier? Au dîner qui suivit son installation, M. de Thévenec, c'était le nom du malade étranger, se montra très discrètement attentif pour Fernande. Il était d'âge, du reste, à ne point donner d'ombrage, et sa tenue était parfaite. Il s'enquit des causes qui faisaient porter à l'Armand le bras en écharpe. On le lui dit. « Ah, vous avez eu affaire à un triste homme, monsieur. Tous mes compliments pour l'avoir blessé. » Et il manifesta contre Yalich une haine et un mépris profond. Puis il causa longuement avec Armand, parut enchanté de sa conversation, se mit au mieux avec le jeune homme. Bref, il conquit le docteur, Fernande, Armand et les autres pensionnaires. On le déclara un charmant homme. À l'office, son domestique obtint encore un succès plus éclatant. Il se nommait Stéphane Sterosi, et c'était un de ces cavaliers qui font tourner les têtes des femmes sensibles. Or, s'il est au monde, une classe féminine qui se laisse facilement séduire par une jolie tournure, des airs délurés et de la crânerie, c'est évidemment l'estimable corporation des femmes de chambre. Il y en avait sept à la maison, sans compter Léonie, celle de Fernande. Cette Léonie, brune enfant du midi, avait le sang impétueux des Basques, leur amour effréné de la toilette et leur ardent désir de briller. De plus, fille de contrebandier, elle n'était pas aussi scrupuleuse que les recommandations données au docteur l'affirmaient. Elle ne volait pas, elle n'eût pas volé. Les femmes ne doivent pas voler. Sous ce rapport, elle était parfaite. Seulement, quand il s'agissait des hommes, elle avait une autre morale. La contrebande se fait dans les Pyrénées par les Basques espagnols et les Basques français. Qui dit contrebandier, dit hardi compagnon, peu scrupuleux et capable d'un coup de brigandage à l'occasion. Le père, les frères, les cousins de Léonie avaient tous quelques graves méfaits à se reprocher. Pendant les guerres civiles, qui dans les derniers temps avaient désolé l'Espagne, les contrebandiers eurent l'écho des Franches. Ils commirent nombre de vols audacieux que l'on mit sur le compte des carlistes. Léonie ne vit aucun mal à ce que ses parents fussent quelque peu bandits. La famille étant pauvre, elle se mit femme de chambre et fit bien son service. Un peu dégrossie, elle entra dans une famille parisienne en villégiature à Pau. De là, elle vint à Paris avec cette famille. Elle fit plusieurs maisons, cherchant augmentation de gages. Partout, elle laissa les meilleurs souvenirs et elle obtint de beaux certificats. Elle restait sage. Question de vertu, non pas. Elle était fière, cette fille. Elle avait un certain idéal d'amoureux qui ne se présentait pas à elle. Elle avait estimé dans les hommes de son village la virilité des montagnards, leur bravoure, leur orgueil et leur lutte contre la loi. Les valets de chambre et les cochers lui faisaient la cour, ne lui paraissaient point dignes d'une fille de Basque. Très flattée du reste d'être au service de Mademoiselle Fernande, ce qui lui donnait à l'office supériorité sur les femmes de chambre des pensionnaires, elle avait haute idée d'elle-même. À vrai dire, elle était élégante, fine d'allure, grande, svelte, bien faite, légère de démarche. Elle avait le fin pied des montagnardes, la main soignée et le teint blanc. La dent était fort petite, aiguë et d'un ivoire très pur, qui tranchait sous le rouge des lèvres un peu minces, mais exprimant la volupté délicate qui est particulière aux races félines. Mademoiselle Léonie devait avoir le plaisir cruel. Ces filles-là sont de celles qui soumettent dans le baiser jusqu'à mordre. On les en aime d'autant plus. Le visage était d'un ovale allongé, Le nez droit des Basques lui donnait du caractère, le front haut, étroit, coupé nettement, s'encadré de magnifiques cheveux noirs. Le menton en pointe d'œuf terminait bien cette tête, qui ne manquait ni de charme, ni de dignité. Mademoiselle Léonie avait de l'énergie. Elle voulait fermement. Elle redoutait par-dessus tout d'être humiliée. Elle était capable d'aller bien loin, dans une mauvaise voie, pour fuir une petite honte. Lorsque maître Stéphane se présenta à l'office pour le dîner, il y eut des chuchotements et l'on fit des réflexions à voix basse entre femmes. Ce beau garçon produisit de l'effet. Il prit la place que lui indiqua le maître d'hôtel du docteur. Il se trouva placé près d'une petite femme de chambre américaine qui s'entendait admirablement à flirter. Cependant, mademoiselle Léonie parut se choquer du ton enjoué dont Fanny, la femme de chambre américaine, recevait les avances de Stéphane. Ce jeune homme, du reste, était, ma foi, fort bien pour un domestique. Il parlait le français avec un léger accent, qui n'était pas sans grâce. Il causait bien. Il avait de l'esprit et de la verve. Il tranchait en mieux sur les autres domestiques lourdeaux, prétentieux, faquins à manière, qui se donnaient des airs de maître, et y arrivaient comme le dindon arrive à imiter le paon. Les femmes ont un flair incomparable, pour juger, non pas de la valeur de l'homme, mais de la caste à laquelle il appartient, et de la race dont il est. Il n'eut qu'une voix parmi ces demoiselles de l'office pour dire et redire « Monsieur Stéphane n'est pas fait pour servir ». Il eut soin du reste de confirmer cette appréciation dans sa conversation. Léonie le regardait en dessous. Il avait une tête orientale, bien profilée, un peu maigre, très brune, nez aquilin, front haut, étroit, fuyant, yeux noirs très longs, brillant sous des cils soyeux et lançant la flamme qui incendie les cœurs. Belle moustache et chevelure soignée, taille fine, épaules larges, mains un peu trop sèches, mais n'ayant jamais travaillé à de durs labeurs. Pieds petits et cambrés, mis très soignés, rappelant un peu la coupe de l'uniforme, en je ne sais quoi, qui annonçait une vie de soldat et d'aventure. Ce gaillard avait pour lui bien des avantages. Ainsi Fanny flirtait à rendre folles les autres femmes. Celle-ci se vengeait par les observations les plus désagréables faites à voix basse. Cependant Stéphane, qui jusqu'alors avait parlé à sa voisine, éleva un peu la voix. Il fit quelques questions à son voisin. Celui-ci répondit. La conversation se généralisa. Aux questions de Stéphane, on en opposa d'autres. Il y répondit avec affabilité. « Je suis le hussard du général Tanmac. »« Vous êtes alors comme dire le brosseur de votre général. »« Non pas, je suis ordonnance. » Ainsi, dès demain, mon général louera un homme de service pour cirer ses bottes, et les miennes, et pour brosser nos vêtements. Et vous, que ferez-vous? Les cours de confiance, il y en a, et je soignerai mon général. Et Stéphane, charmant son auditoire, raconta ses aventures. Il en avait eu d'extraordinaires. Il avait fait plusieurs fois fortune. Toujours, il gagnait et reperdait. Enfin, Léonie, qui écoutait avec une extrême attention, demanda. « Avez-vous eu au moins, monsieur, la chance de sauver quelque chose ?»« Assez pour vivre de mes rentes le jour où mon maître prendra sa retraite, ce qui ne peut tarder. Moi, je serai libéré du service dans 3 mois. Et le général me fera régisseur de ses domaines. Ce sera une belle place, car j'ai ouï dire que les profits étaient gras. Vous vous marierez, » dit Fanny en minaudant. « Pas dans mon pays. Pourquoi donc? Je n'aime ni les Allemandes, ni les Hongroises, elles ne me vont pas du tout. » Et quelle nation vous plaît le plus? Comme beau sexe? Oui, c'est difficile à dire. Dites toujours. Il me semble que les femmes de n'importe quel pays qui ont habité Paris sont supérieures à toutes les autres. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient françaises. Vous dites cela pour celles de nous qui ne le sont point? Dit Fanny. Je suis très franc, protesta Stéphane. Il eut un silence significatif. Chacune de ces demoiselles réfléchissait. Mademoiselle Fanny voulut des éclaircissements, et elle sut se les faire donner. Toutes les imaginations féminines galopaient depuis ces révélations. La façon dont Stéphane répondait à Fanny, la complaisance qu'il mettait à lui parler, semblait prouver qu'elle lui plaisait. Cela faisait damner Léonie. Elle trouvait tout à coup son idéal, et c'était une petite jeune américaine qui paraissait devoir s'en emparer. Elle était outrée. Toute fière qu'elle fût, elle adressa plusieurs fois la parole à Stéphane. Il répondit poliment, mais elle revenait toujours à Fanny. Léonie, cependant, se sentait supérieure à cette américaine. Un coup de sonnette l'arrachait aux émotions qu'elle éprouvait. Pour la première fois, elle maudit Fernande. laissait le champ libre à sa rivale. Mais un autre coup de sonnette appela celle-ci et elle dut quitter la place. Lorsque les deux femmes de chambre se furent éloignées, la conversation continua. Stéphane gagna l'admiration et l'amitié des bonnes en continuant ses récits et en se montrant affable. Mais en vain, les femmes qui restaient là essayèrent-elles d'attirer l'attention du beau hussard. Aucune d'elles n'y réussit, ce qui les irrita. Elles se mirent à dober sur Fanny. Et toutes devant Léonie pour abaisser cette pauvre Fanny. En fait, quand elle rentra, Stéphane se montra froid. La petite américaine comprit qu'on l'avait desservie. Elle jura de se venger, survint Léonie. Elle jugea la situation d'un coup d'œil et elle se prit à espérer. Pour la première fois, Stéphane la regarda attentivement. Lorsque l'on croit avoir fait bonne impression sur des femmes, il est bon de les laisser causer entre elles. Grâce à leur jalousie instinctive, elles ne manquent pas de se piquer mutuellement et de se défier. Stéphane se retira. À peine fut-il parti que la querelle commença entre femmes. Déjà, il s'était fait un revirement. Les bonnes âmes avaient perdu Fanny dans l'estime du beau hussard. Mais elles avaient lu dans les yeux de Léonie ses espérances. Dès lors, c'était contre la femme de chambre de Fernande qu'elles se liguèrent. Naturellement, Fanny devint une alliée dans ce nouveau complot. Léonie, comme toute fille éprise, commit une imprudence, elle demanda. « Comment trouvez-vous, monsieur Stéphane, mademoiselle ?» Il fallait qu'elle parlât de lui. « Très bien pour nous, » dit Fanny. « Malheureusement, » dit une autre en soupirant, « ce n'est jamais une femme de chambre qu'un garçon s'y riche épousera, non, jamais. » « Et, » dit cruellement Fanny, « lorsqu'un homme peut épouser une bourgeoise, pourquoi donc prendrait-il une domestique ?» Toute la bande femelle, quoique portant ainsi le mépris sur la corporation, appuya la petite américaine. Mais Léonie tenait bon. « En amour, » dit-elle, « Laurent ne fait rien, la fortune non plus. Bon, elle secoua déjà Madame Stéphane et se voit reçue par la noblesse, » dit Fanny. Ce fut le signal d'une attaque en masse. « Madame Stéphane, » disait l'une, « vous me prendrez comme femme de chambre. Moi, je me contenterai d'être bonne d'enfant. Aurais-je au moins l'honneur d'assister au mariage de très haute et très honorée demoiselle Léonie ?» Deux ou trois de ces harpies chantaient en sourdine et de l'air le plus moqueur. « Tu seras princesse, ma belle maîtresse, si bien que Léonie, outrée, se leva et dit. « Si vous n'étiez pas toutes des rien du tout qui se jettent à la tête des hommes, vous ne seriez pas si furieuse, parce que Stéphane ne vous a pas regardée. » Et sur ce, elle sortit au milieu des imprécations générales que soulevait son apostrophe. Léonie fut ainsi accompagnée des plus furieuses épithètes. Peu lui importait, car elle n'entendit que fort peu, ayant fui. Mais la porte fermée, elle se mit à pleurer en regagnant sa chambre. Par hasard, était-ce bien par hasard, elle rencontra au moment d'entrer chez elle le beau Stéphane qui sortait de chez son général. Il daigna s'apercevoir que cette jolie fille avait les larmes aux yeux. Il en parut fort ému. « Qu'avez-vous, mademoiselle Léonie ? » demanda-t-il affectueusement. « Ah, monsieur, je suis bien malheureuse, et l'on vient de me faire une scène à cause de vous. Cependant, je suis bien innocente. Vos maîtres vous ont grondé ?»« Non, monsieur, ce sont ces dames qui... que... dans leur colère, ces femmes disent tout. À vous tout et ce livre !» Cependant, Léonie hésitait. « Voyons, mademoiselle, je vous en prie, expliquez-moi ce qui s'est passé. » Et lui prenant la main, « J'ai trop de sympathie pour vous, pour ne pas vous aider à vous venger. » Jamais un homme habile n'avait employé un mot plus à propos, « se venger ». Cela sonnait comme une fanfare de fête à l'oreille de Léonie. Pourtant, avec la tactique ordinaire des femmes, elle se fit prier. « Monsieur, je n'ose pas, une jeune fille, si l'on nous voyait ensemble. » Léonie était en face de la porte de sa chambre ouverte. Le hussard était un gaillard résolu et sachant profiter des occasions. Il enleva brusquement Léonie comme une plume, la posa sur une chaise, poussa la porte et saisit les deux mains de la jeune fille. Jamais celle-ci ne s'était abandonnée aux caresses d'un homme. Elle était vierge même d'un baiser. Sa dédaigneuse fierté avait tenu à distance les galants. Elle ignorait la puissance du magnétisme amoureux et les dangers d'une surprise des sens. Mais au contact des mains du beau hussard, un long frisson de plaisir courut dans tout son être, la secouant et l'éveillant à la volupté. Dès ce moment, la lutte devenait difficile. Lorsque l'amour s'empare d'une femme, il déchaîne les désirs et endort la volonté. Elle n'avait déjà plus conscience du danger. Elle se livrait sans défiance. Si une seule fois elle avait éprouvé une sensation de ce genre, elle se fut défiée. Quand Stéphane mit des baisers sur ses bras, elle le laissa faire, écoutant toujours la musique enivrante de ses promesses et de ses protestations. Tout contribuait à la perdre. Comment résister à un charmant garçon qui vous attire lentement, peu à peu, irrésistiblement, en vous berçant sur de pareils genoux? Il causait toujours, il entourait la taille ondulante de Léonie. Elle se trouva, sans s'en douter, dans ses bras, à sa merci. Un instant, elle eut peur. D'un mot, il la calma. « N'allons-nous pas nous marier? Que crains-tu? Quand on est fiancé, on peut risquer une caresse. Donne-moi tes lèvres roses. » Il avait des yeux si noirs, si brûlants, qu'elle flambait sous son regard. Elle lui donna ses lèvres qu'il demandait. De cet instant, elle était à lui. Quelle fille ardente! Quel début dans l'amour! Elle se tordait sous les caresses. Il lui étouffait ses cris de panthère amoureuse. Elle l'étouffa dans ses étreintes. Elle fut à lui, mais il fut à elle. Elle le conquit. Un observateur habile aurait remarqué qu'il jouait trop bien son rôle très étudié pour un homme réellement épris. Il paraissait agir d'après les lois d'une tactique savante. Il se possédait trop pour être passionné. Mais quand cette belle fille l'eut enlacé, quand elle l'eut enivré en le baignant dans l'océan, embrasé d'une passion sans bornes, quand il fut comme plongé dans une mer de feu, il flamba à son tour. Il n'avait jamais subi ces morsures qui prouvaient la folie. Il n'avait jamais vu ces transformations qui donnent au visage des femmes sensuelles une beauté surhumaine. Il éprouva des joies inconnues, à sentir les ongles de sa maîtresse lui labourer les chairs. Il la meurtrissait lui-même de brutales caresses et la pétrissait en l'enlaçant. Ils se réveillèrent de ses délires brisés, mais s'adorant. Elle, radieuse et confiante, lui, sombre. Elle fut tout à coup inquiète de cette attitude. « Qu'as-tu ? » fit-elle. Il la regarda un instant. Elle était splendide, dans le désordre de sa toilette. Le sein nu, étincelant, la jupe chiffonnée, l'œil noyé de langueur, les cheveux flottants, la pose abandonnée, l'air craintif et soucieux. Il la trouva belle et désirable à jamais. Alors, lui prenant le poignet entre ses doigts d'acier et la serrant à la faire crier. « M'aimes-tu ? » demanda-t-il d'un air menaçant avec un regard inexplicable. « Oh oui, je t'aime, » dit-elle. « Je t'aime pour toujours, et je te voudrai sans cesse. »« Quoi qu'il arrive, » fit-il d'un ton farouche. « Oui, quoi qu'il arrive, » dit-elle. « Quoi que je fasse, » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Quoi que tu fasses, » dit-elle. « Et tu m'obéiras ? » ?»« En tout. » »« S'agirait-elle de ta vie ? » ?»« Je mourrai pour toi joyeusement. » »« Tuerais-tu quelqu'un sans hésiter si je te l'ordonnais ?» demanda-t-il les yeux dardés sur ses yeux. « Mais puisque je suis tienne, » fit-elle avec un accent d'enthousiasme qui le convainquit. « Puisque tu es maître, puisque je me sens dans toi, pourquoi me questionner, pourquoi douter? Je suis ta chair, je suis ton sang, ma main est commandée par ta volonté. Je ne me vois autrement que dans ta poitrine, et je m'y tiens blotti. Tu es mon père et ma mère et mon enfant, tu es tout, et sans toi, je ne suis rien. » Elle employait les formules admirables de son pays pour peindre sa passion. Il se sentit convaincu. Elle lui mit si gracieusement le bras autour du cou pour mendier encore un baiser qu'il ne douta plus d'elle. Il la reprit sur ses genoux. « Écoute-moi. Rien de ce que je t'ai dit n'était vrai. À cette heure, tout est réel. Je ne t'aimais pas. » Elle faillit pleurer. « Je t'aime maintenant. » Elle lui tendit ses lèvres. Elle rayonna. « Je suis un homme libre, riche, audacieux, en lutte avec la société. Je brave les lois et les hommes. Je ne crains pas les dieux. Demain, ma tête peut tomber. Mais demain aussi, je puis arriver au but de mes désirs, être comblé de bien et d'honneur. Le succès dépend en partie de toi. Te sens-tu du courage ? Oui, dit-elle résolument. Il demanda, qu'exiges-tu ? Tu le sauras plus tard. Mais dès aujourd'hui, je veux que tu te considères comme ma femme. Rien ne m'a forcé à être franc. Tu peux donc avoir foi en moi. Tu es mon maître, ma vie, dit-elle. « Je n'hésiterai jamais à accomplir tes ordres. » Il lui donna un dernier baiser et lui dit « Chaque soir, je viendrai te demander une nuit comme celle-ci. » Il la laissa palpitante et conquise.